Confession par Edith Wharton. Cela commença de la façon la plus ordinaire, la plus banale même, comme il arrive aux choses marquées par la fatalité. J'étais assis au restaurant à une table de coin. Or, une table comme la mienne, dans un tel palace, avec une vue pareille sur la montagne, était évidemment trop bonne pour un voyageur seul, comme c'était mon cas. Je l'avais obtenue tout de même, parce que le maître d'hôtel était un brave homme, de composition facile et que... Mais en quoi ce détail importe-t-il? La question n'était pas là. Le fait essentiel réside en ceci, que lorsqu'elle entra dans la salle de ce palan, mal assuré, hésitant, qu'ont les nouveaux arrivants, on lui donna une table voisine de la mienne, événement prodigieux s'il en fut. Je m'explique. Les médecins venaient de m'assigner 3 mois de convalescence dans les Alpes avant de reprendre le colis à New York, et cela après un hiver de quasi-totale invalidité en Égypte. Cela posé, vous saisirez pleinement la valeur qu'une série d'incidents fortuits peut prendre dans mon cas et avec quelle force chacun d'eux peut se détacher sur l'horizon nu d'une oisiveté forcée. Pourtant, même en tenant compte de circonstances aussi favorables à l'exagération des valeurs, n'en aurais-je peut-être pas été affecté outre mesure si cette femme n'avait porté en elle et reflété autour d'elle un je ne sais quoi, comme une sorte de rayonnement voilé qui d'emblée la singularisait. Elle était de nature moyenne, mince et souple, pâle avec un visage plutôt étroit, encadré de cheveux foncés presque noirs. Mais ses grands yeux gris-bleus étaient si clairs, si lumineux, que son teint et sa chevelure en paraissaient plus sombres, comme rejetés au second plan. La bouche avait un pli un peu triste, un peu mélancolique, et le rare sourire qui parfois l'éclairait ne donnait que plus de valeur au dessin charmant des lèvres. Ses vêtements étaient sobres, élégants, sans recherche et d'un goût presque austère. Ils lui donnaient une silhouette un peu vieux jeu, à côté des poupées standards qui l'entouraient. Peut-être sortait-elle seulement de sa province et, volontairement ou non, en gardait-elle l'empreinte particulière. Le plus étrange était qu'à cette apparence d'inexpérience mondaine, l'expression du regard et le pli de la bouche opposaient une sorte de démenti, dénotant chez la jeune femme une expérience de la vie plus poussée, plus grande que celle de la plupart des personnes présentes. De l'expérience, oui, mais de quel ordre, de quelle nature, de quelle étendue? J'en étais à ces conjectures lorsqu'une autre femme vint la rejoindre. Une des choses que l'on apprend surtout en voyageant, c'est à reconnaître bien des gens et à les situer par le genre de compagnons qu'ils se sont choisis ou laissés imposer. La nouvelle venue paraissait du même âge que son amie, mais là semblait se borner leur point de ressemblance. C'était une personne fortement charpentée, bien en chair, avec des cheveux teints couleur acajou et de petits yeux trop rapprochés de son nez. Le teint fleuri laissait deviner, sous un fard inhabile ou simplement négligé, un réseau serré de petites veines rouges et sous une bouche vulgaire, le menton glissé vers une gorge sans discrétion, lourde et blanche. J'avais espéré au premier abord qu'il ne s'agissait là que d'une amie de rencontre. Mais elle s'assit sans un mot et s'empara du menu sans même avoir jeté un regard à la dame en noir. Elle voyageait donc de concert, et bien que la nouvelle venue fût vêtue avec une recherche plus ostentatoire, plus à la mode du jour que l'autre, je devinais sans peine qu'elle était d'une condition sociale inférieure, une salariée vraisemblablement, et qu'elle cherchait à le dissimuler par l'étalage d'un luxe presque vulgaire. Mais comment l'autre, avec sa distinction et ce visage fin qui m'avait tant frappé, pouvait-elle avoir pris pour compagne cette femme en tout si dissemblable? « Avez-vous commandé ma bière ?» demanda la nouvelle venue d'une voix forte en dégageant d'épaisses mains rougeaudes, couvertes de bagues, d'une paire de longs gants de fil. Je remarquai que la première jeune femme ne portait aucun bijou. « Non, » répondit l'autre d'un ton voilé derrière lequel on devinait ceci. « Pourquoi l'aurais-je fait? N'êtes-vous point capable de demander vous-même ce qui vous plaît ?» Mais l'instant d'après, elle fit signe au serveur et lui dit du même ton « Miss Wilport demande sa bière, comme d'habitude. » Oui, comme d'habitude. Ici, personne n'a l'air de s'en soucier. J'étais bien me servi à l'époque où j'avais à m'occuper de mon propre service. L'autre eut un léger rire de protestation. Miss Wilbert, après un coup d'œil sévère sur le plat qu'on lui présentait, n'en préleva pas moins une copieuse portion qu'elle se mit à attaquer sans sourciller. Je pouvais presque distinguer le coin de sa serviette enfoncé dans le corsage sous la gorge opulente. « Il y avait trois personnes avant moi chez le coiffeur, » grommela-t-elle. La dame brune la regarda d'un air plus qu'indifférent, absent. « Cela n'a pas d'importance. »« Comment dites-vous ? » ?»« Pas d'importance que j'ai dû attendre une heure et que je ne puisse me mettre à table comme tout le monde. » « Je veux dire que votre retard ne me gêne en rien. »« Je veux bien le croire. » Elle se versa une large rasade et poursuivit. « Alors, vous voilà de nouveau plongé dans votre humeur. Rien ne fait rien à rien. » Sa compagne eut un pâle sourire. « Oui, » dit-elle. « Dans ce cas, je me demande ce que nous faisons ici, ce qui nous oblige à y rester. Inutile de vous sacrifier pour moi, vous savez. » J'avais achevé mon déjeuner, bu mon café, et fumais plus qu'il ne m'était permis de le faire. N'ayant plus aucune raison de m'éterniser, je me levai et sortis du restaurant. Mon ami Antoine, le premier maître d'hôtel, se trouvant près de la porte, je lui glissai en passant. La dame assise à la table voisine. Il eut une brève hésitation qui me surprit et répondit « Ah, Mrs. Ingram, oui, elle vient de la Californie. Une habituée ?» « Vieille clientèle ? Non, je crois que c'est son premier voyage en Europe. » « Alors l'autre personne doit lui servir de guide, n'est-ce pas ?»« Je ne le crois point. » Il haussa légèrement les épaules. « J'aime la table que vous m'avez réservée, Antoine. » Il s'inclina avec un sourire. C'est pourquoi le soir, lorsque je descendis pour dîner, je trouvais drôle qu'on me relégât à l'autre bout de la salle du restaurant. Antoine était en congé et son remplaçant se contenta de répondre à ma question en affirmant qu'il ne m'avait placé là que sur l'ordre formel de son collègue. « C'est bien, » dis-je sévèrement. « Demain, à déjeuner, j'espère bien qu'on me remettra où j'étais. J'y tiens. » Aussi, mon exaspération fut à son comble lorsqu'Antoine lui-même me conduisit à ma mauvaise place du fond le lendemain matin. « Que signifie cette plaisanterie ? » demandai-je. « Je vous ai fait dire que je tenais à ma table de coin, près de la fenêtre. » Pas un muscle du visage ne tressaillit, et Antoine se contenta de répliquer d'un ton impersonnel. « Je vous prie de m'excuser, monsieur. La dame de compagnie n'aime pas les Américains, et la direction désire vivement obliger Mrs. Ingram. » Je haussai les épaules, et mes yeux parcoururent les places de mes voisins. Aucun d'eux ne méritait mon attention. « Ne pourriez-vous pas me dire maintenant, » demandai-je quelques jours plus tard à Mrs. Ingram, « pour que votre ami a tant insisté pour qu'on me bannisse tout au fond de la salle ?»« Je n'ai pas besoin de dire qu'en dépit du veto de Miss Wilbert et de l'exclusive qu'elle paraissait avoir prononcée contre moi, elle ne m'avait pas empêché de faire la connaissance de Mrs. Ingram. » Le prétexte en avait été l'un de ces 100 menus services que chacun de nous est appelé à rendre à son prochain, un prochain aussi oisif que nous, et vivant de la même vie sous le même toit. Cela n'avait pas été sans mal, car les deux femmes ne se quittaient guère. Par bonheur, Miss Wilbert jouait au bridge et Mrs. Ingram n'avait jamais touché une carte. Je ne fus pas long à profiter de l'occasion. Je dus cependant m'avouer, au bout d'une quinzaine de jours, que je ne savais presque rien de Mrs. Ingram. Il semble qu'au cours des deux dernières années, elle avait beaucoup voyagé, parcourant le monde dans tous sens et faisant escale un peu partout, celle en Tenerife, Rio de Janeiro, Le Caire. Ces longues croisières semblaient lui avoir procuré beaucoup d'agréments, sans être pourtant parvenu à dissiper ce fond de mélancolie dont l'énigme demeurait entière pour moi. Elle n'avait jamais, au cours de ses récits, fait allusion à un mari ou à des enfants, non plus qu'à des amis. Cela m'avait tout naturellement conduit à la conclusion que sa seule compagne de voyage avait été cette Miss Wilbert, dont l'importunité m'était sans cesse plus sensible. J'étais en somme assez perplexe. Mais Mrs. Ingram, qui fuyait ouvertement la compagnie des étrangers, paraissait heureuse, détendue, fort à son aise en ma présence. Sa timidité naturelle revenait à chaque apparition de Miss Wilbert pour s'évanouir dès que celle-ci avait le dos tourné. Je confesse humblement que mon attitude à l'égard de Mrs. Ingram était loin de me satisfaire. Qu'il y eût un secret, j'en étais convaincu. Je cherchais une excuse à mon indiscrétion, à mon acharnement à vouloir aller au fond des choses, dans le fait que j'étais sûr et certain d'y trouver Miss Wilpart. Mais cette seule idée me répugnait profondément. Au fond, leur relation mutuelle était celle d'une animosité réciproque. Non point cette qualité d'animosité qui peut parfois cacher d'autres sentiments plus compliqués, mais bien cette véritable incompatibilité de caractère, d'humeur, d'éducation, qui, fatalement, devait exister entre deux femmes aussi différentes l'une de l'autre par la classe et le caractère. Je sais à quel degré de suggestion peuvent atteindre certaines femmes riches vis-à-vis d'une gouvernante tyrannique ou d'une compagne qui leur rend certains services ou les tire d'embarras. Mais dans le cas présent, c'était Miss Wilpart, qui dépendait de Mrs. Ingram. Elle était le guide, l'interprète et l'intendante de cette bizarre association. De toute évidence, elle était à charge à sa compagne, sa maîtresse en fait, et il me faudrait aller plus loin encore pour découvrir la nature exacte du lien qui les attachait sans les unir. Un beau jour, Mrs. Ingram, guide en main, vint me consulter. « Nous allons sans doute partir la semaine prochaine. On m'assure ici que nous ne devons pas manquer les lacs italiens. Qu'en pensez-vous ? Vous partirez la semaine prochaine ? Mais pourquoi ? » Mrs. Ingram pousse un soupir. « Cassie en a assez de cet hôtel et de ce pays, et elle prétend que notre entourage lui déplaît. » Je la regardais bien dans les yeux et risquais avec un sourire. « Ne voulez-vous pas dire plutôt qu'elle a assez de ma présence ? » ?»« Du moment que vous attachez une telle importance à l'opinion de Miss Wilpart, n'est-il point naturel de ma part de désirer savoir pourquoi ma présence auprès de vous lui est insupportable ? » ?»« Mais le seul fait que vous lui déplaisez n'est-il point suffisant ?» Ainsi, ses goûts et ses aversions suffisent à régler le cours de toutes vos amitiés. « Oh ! » fit-elle le regard absent. « Des amitiés. J'en ai vraiment si peu. » Elle se raidit. « Je ne vois vraiment pas quel plaisir vous pouvez prendre à me dire tant de choses désagréables sur... mon ami, » dit-elle. J'eus la perception immédiate qu'un mot de plus pourrait amener entre moi et la femme à laquelle je désirais le moins déplaire. Un nuage et peut-être une brouille. Instinctivement, presque à mon insu, la réponse vint. Vous auriez dû vous en apercevoir. Parce que rien ne m'intéresse autant que ce que vous pouvez éprouver à mon égard. En fait, rien d'autre n'a la moindre importance. Cela seul me touche. Cela seul compte. Les mots que je venais de prononcer me révélaient d'un coup à moi-même, en même temps qu'à Mrs. Ingram, la profondeur de mon sentiment. Et ce ne fut qu'après m'être ainsi abandonné, trahi, que je me rendis compte d'une chose, je ne savais rien, absolument rien, de la femme à qui je venais d'adresser cet appel passionné. Ni son nom de jeune fille, ni rien de son passé. J'ignorais même si elle était mariée ou veuve, divorcée ou mère de famille. Tout ce que je savais, c'est que je l'aimais, et que je venais de le lui dire. Elle demeura un instant immobile, puis ses yeux se remplirent de larmes. Ses lèvres se mirent à trembler. Elle voulut parler et elle ne put pas. « Kate, » dis-je, mais elle se rejeta en arrière. « Non. Pourquoi vous ai-je fâché ? Non. Je sais que vous êtes un véritable ami, que votre sincérité est entière. Je désire que vous sentiez à quel point je suis plus que cela. C'est tout ce que je puis éprouver pour quelqu'un que jamais, jamais je ne... » Ses larmes l'arrêtèrent. « Dites-vous cela parce que... vous n'êtes pas libre ? Oh non, oh non ! Alors, manquez-vous de sympathie pour moi ? Dites-le-moi bien franchement. S'il en est ainsi, je jure de ne plus vous importuner. » Nous étions assis l'un à côté de l'autre dans un coin désert du petit salon. Les dîneurs s'étaient éparpillés dans la direction des grandes vérandas ainsi que vers les tables de jeu et le bar. Miss Wilpart était engagée à fond dans une partie de bridge. Aussi m'étais-je figuré que je pourrais enfin achever avec Mrs. Ingram une conversation à laquelle nous étions désormais trop attachés, l'un et l'autre pour l'abandonner. À la vérité, mon intention première n'avait pas été de lui donner d'emblée une tournure si grave. Mais maintenant je savais non seulement que mon choix était fait, mais qu'il était définitif. « Si vous me dites sincèrement que je vous déplais, répétai-je, je ne vous importunerai plus. » Ses lèvres tremblèrent, et elle baissa les yeux. Elle ne cessait de joindre les mains, de plier et de déplier les doigts. Ses mains, sans cesse en mouvement, contrastaient avec le calme extraordinaire de toute sa personne. « Je ne puis pas dire que je ne vous aime pas, » dit-elle d'une voix sourde. « Non, je ne le puis pas. » Comme je m'apprêtais à enfermer dans les miennes ses pauvres mains inquiètes, elle eut un brusque sursaut. Je vis son regard fixer quelqu'un par-dessus mon épaule. M'étant retourné, j'aperçus vaguement un individu dont la silhouette trapue et les épaules carrées me rappelèrent un personnage sur lequel je ne pouvais pas encore mettre un nom, mais dont la personnalité m'était familière. « Est-ce une de vos connaissances ?» demandai-je, frappé par l'expression bouleversée de ses traits. « Non, je croyais que c'était, mais ce ne doit pas être lui. » Je remarquai les efforts qu'elle faisait pour recouvrer son sang-froid. Mais quelle peine elle éprouvait à se maîtriser. Je dévisageais de nouveau l'homme. Il me semble bien reconnaître Jimmy Shrieve, de New York Evening Star, dis-je à ma nouvelle amie. « Le connaissez-vous ?» Elle hocha la tête. « Je me trompais. » « Dans ce cas, insistai-je, consentez-vous à répondre à la question que je vous ai posée ?» Elle devint toute pâle. « Oh non, pas maintenant. »« Pourquoi pas maintenant ? Croyez-vous que je vais me laisser écarter sans motif après ce que je viens de vous déclarer ?» Elle regarda de nouveau par-dessus mon épaule. « La voilà, ma raison !» s'écria-t-elle. Miss Wilport approcha à grands pas. « Ah, je m'en doutais bien, » fis-je amèrement. Une rougeur subite enflamma les traits de Mrs. Ingram. « Je ne voulais pas dire cela, » répondit-elle. « Vous n'avez pas le droit de parler ainsi. J'ai promis d'aller avec elle et c'est tout. » Miss Wilport était déjà sur nous. Son visage cramoisi, son souffle précipité, ses yeux pleins d'éclairs ne me disaient rien de bon. « Ainsi, voilà où vous vous cachiez !» s'écria cette aimable personne. « Je vous cherche partout. Vous avez oublié, je présume, que vous aviez demandé à ces gens de vous réserver des sièges pour les danses javanaises ?» J'observai attentivement les deux femmes. Leur antagonisme avait atteint un point critique, et un seul mot mal à propos risquait de compromettre irrémédiablement mes chances. Mais Mrs. Ingram fit un effort pour sourire. « Je ne doutais pas qu'il fût si tard, » dit-elle. « Si votre montre est arrêtée, vous avez toujours la pendule du hall qui vous crève les yeux, » insista Miss Wilport. « Venez-vous ?» Mrs. Ingram se rejeta en arrière. « Eh bien, je crois que je m'abstiendrai d'y aller. Mais vous avez demandé à la comtesse italienne de nous garder des places à côté d'elle. Allez-y donc et priez-la de m'excuser. Dites-lui que je suis fatigué. » Comment vais-je faire pour lui expliquer tout cela? Vous savez bien qu'elle ne comprend pas un mot d'anglais. Vous prétendez toujours que vous détestez qu'on parle de vous et maintenant vous l'assise comme une écolière qui en est à sa première danse avec ce... Mrs. Ingram s'était brusquement levée. « Cassie, je crains que le bridge ne vous ait pas été favorable ce soir. Je ne vous ai jamais entendu raconter de pareilles sottises. Naturellement, si cette comtesse nous attend vraiment, je vous suivrai. » Elle se tourna vers moi et me tendit la main avec un sourire charmant. « Vous me direz le reste demain, n'est-ce pas ?» Puis elle emboîta le pas derrière Cassie et Wilport. Le cœur battant, je les suivis des yeux. J'ignorais quels étaient les liens qui unissaient les deux femmes. Mais je sentis nettement qu'au cours de ces dernières minutes, un maillot de la chaîne, car c'était bien une chaîne, j'en étais sûr, venait de se briser. À ce moment, l'homme dont la vue avait tellement ému Mrs. Ingram sortit du bar et vint délibérément à moi. C'était bien ma vieille connaissance, Jimmy Shrieve, le journaliste. Il était évidemment aussi surpris de me trouver là que je l'étais moi-même de le voir apparaître dans ce palace des Alpes françaises. C'est tout de même drôle de tomber juste sur vous au milieu de cette foule de jazz. Je m'évade un peu de mon journal et je suis ici comme je pourrais être ailleurs. Qu'est-ce qui vous a conduit dans ce trou, si on peut dire ? Je lui expliquai mon cas. Eh bien, mon vieux. Enfin, je suis content de savoir que vous êtes hors d'affaire. Murmura-t-il, tentant vainement d'obtenir du feu d'un magnifique briquet et recourant au mien après mains efforts aussi louables que mal récompensés. Alors, fit-il, se penchant pour allumer sa cigarette, que m'apprendrez-vous de nouveau sur Kate Spain ? Je le dévisageai, surpris, plus que surpris, saisi, presque déconcerté. Je compris alors sinon le fond de sa pensée, du moins à quoi il faisait allusion. Kate Spain, vous voulez parler de cette affaire criminelle à Cayuga ? Vous m'aviez procuré une carte pour assister au débat, mais je n'avais pas pu en profiter, n'est-ce pas cela ? Si, je m'en souviens. Mais je vois que depuis vous vous êtes rattrapé. Que pensez-vous d'elle ? D'elle ? Pourquoi diantre voulez-vous que je pense à elle en ce moment ? Il prit un air narquois pour me répondre. Mais simplement, mon cher, parce que vous venez de lui parler pendant 2 heures, avec un intérêt évidemment. Je le regardai froidement. Kate Spain, dis-je, la dame à qui je m'adressais a-t-elle vraiment l'air d'une meurtrière ? Shreve eut un geste vague. Je ne sais pas trop quel air spécial peut avoir une femme qui a commis un crime. En tout cas, Kate Spain a été acquittée. En effet. Tout de même, j'hésiterai à annoncer à Mrs. Engram qu'elle lui ressemble. Mrs. Engram, c'est le nom que vous lui donnez ? C'est son vrai nom. J'étais en compagnie de Mrs. Engram, qui vient de Californie. Pas du tout. Vous étiez avec Kate Spain. Elle me connaît assez. Demandez-le lui, plutôt. Je viens de me trouver nez à nez avec elle. Une espèce de Jézabel rougeaude, et que je n'ai jamais vue, lui donnait lieu de dame de compagnie. Tiens, vous ignorez donc l'identité de cette personne. Cela prouve bien que vous vous trompez, car Miss Cassie Wilport a vécu avec Mrs. Engram pendant plus de 7 ans. Elles sont à proprement parler inséparables. Shreve jeta sa cigarette. Cassie Wilport, voilà le nom qu'elle se donne elle aussi. Écoutez-moi, Severance. Cassie était le nom de la domestique. C'est son témoignage formel, qu'a mis Kate Spain hors de cause et l'a sauvée. Mais au procès, je n'ai connu qu'une Irlandaise commune, échevelée et habillée de calicot douteux. À vrai dire, je crois sincèrement que le vieil Ezra Spain a affamé sa servante aussi consciencieusement qu'il a affamé sa fille. Vous devez vous rappeler le menu quotidien tel que le décrivait la dite Cassie. Dimanche, mouton bouilli. Lundi, mouton froid. Mardi, hachis de mouton. Mercredi, ragoût de mouton. Je ne me rappelle plus quel jour le chien bénéficiait de l'os de mouton. Au début de l'affaire, l'issue du procès pouvait paraître douteuse. Mais Cassie certifia et en quelque sorte prouva qu'à l'heure où le vieil homme fut assassiné, elle et Kate Spain étaient en course dans les magasins. L'accusation ne put jamais infirmer son témoignage. Si je me souvenais de tout cela, aucun détail du procès ne m'avait échappé. J'étais d'autant plus surpris de la fidélité de ma mémoire que depuis je n'avais attaché la moindre importance à cette affaire Kate Spain. J'avais fait comme le public. La rumeur éteinte, j'étais passé à autre chose. L'actualité ne manquait pas d'aliments. Maintenant, je me souvenais des moindres détails. L'histoire d'Ezra Spain, tyran d'une avarice sordide, mystérieux richissime, dont on disait qu'il avait laissé sa femme mourir parce qu'il l'avait refusé de faire venir un docteur, et que lâchement, il avait privé des médicaments indispensables, de nourriture, et de l'infirmière qui au moins l'aurait veillé et soigné. Après la mort de sa femme, Kate, sa fille, avait vécu chez lui, soumise aux mêmes mauvais traitements, aux mêmes privations. Au village de Cayuga, les gens avaient appris avec un sentiment voisin du soulagement qu'un vagabond errant l'avait assassinée pendant son sommeil. Enfin, disait-on, la pauvre fille persécutée allait être libre. Elle pourrait sortir de cette prison qu'était la maison paternelle et jouir un peu de la vie. Et puis, le bruit s'était répandu qu'accusée du meurtre de son père, Kate allait passer d'une prison dans une autre, celle où l'on entre les menottes au poignet. J'y suis, à présent, s'écria Shreve. Cassie Donovan, voilà quel était le nom de la servante. Je ne m'en souviens pas. En tout cas, le nom de cette personne est Cassie Wilport et pas Cassie Donovan. Son nouveau nom, voulez-vous dire ? Il est clair que leur premier soin à toutes deux, en quittant Cayuga, fut de changer d'identité. Pourquoi l'aurait-elle fait, puisqu'on n'avait rien trouvé contre elle ? Vous avez dit vous-même tout à l'heure que vous ne reconnaissiez pas Miss Wilport. Non. Je ne me doutais pas qu'elle fût devenue grasse et qu'elle éteint ses cheveux. Mais la prospérité recouvrée n'a pas changé Kate Spain. Nous nous sommes bien reconnus, tous les deux. Elle ne sait pas qui vous êtes, coupai-je. Elle m'a dit qu'elle s'était trompée sur votre compte. Ah, vraiment ? C'est donc qu'elle a cru tout d'abord me reconnaître ? Parfait. Mais pourquoi riez-vous ? Pauvre Shreve. Vous ne pouvez aller nulle part sans dépister un criminel. Tout de même, j'aurais cru que les nobles attitudes de mon soleil réussiraient à calmer cette fureur professionnelle. Le ton sur lequel je prononçais ces mots parut le déconcerter. « Oh ! » fit-il. « Du moment qu'elle vous est si chère, mettons que je n'ai rien dit. « Bonsoir, » coupai-je en le quittant brusquement. Que m'importaient en vérité les insinuations de Shreve ? J'avais l'intention de demander sa main à Mrs. Ingram. Si elle refusait, ses affaires privées ne me regardaient pas, et je n'aurais pas à m'en mêler. Si au contraire elle acceptait, j'étais résolu à élucider complètement le cas Wilpert qui m'intéressait étrangement. La nuit me parut longue et plus longue encore les heures de la matinée qui me séparaient de celle où, décemment, je pourrais me présenter à Mrs. Ingram. Cependant, à 9 heures, je me décidai à lui envoyer quelques mots sur une carte la priant de me fixer un rendez-vous. Mais quelques instants plus tard, le garçon d'étage me rapporta mon message. La dame m'avait déjà quitté l'hôtel. « Comment quitter ? » m'exclamai-je. « Vous voulez dire qu'elle est sortie ?»« Non, elle a définitivement pris congé. Ses bagages suivaient. Les deux dames sont parties il y a environ 1 heure. » Je m'habillai rapidement et descendis aussitôt dans l'espoir que le concierge me rassurerait. Mais non, Mrs. Ingram et Miss Wilpert étaient parties brusquement dans la matinée en automobile. Leur chauffeur avait reçu des ordres. Il devait les conduire en Italie, à Baveno ou à Stresa. Ces dames n'avaient laissé aucune adresse. Les gros bagages seraient envoyés à Milan. Le concierge avait été chargé de le faire porter à la gare. C'est tout ce qu'il pouvait dire. Il regrettait bien. Le regard qu'il m'adressa en terminant sa phrase me parut passablement significatif. Je ne revis point Jimmy Shrieve avant mon départ de Mont-Soleil le jour même. Il est certain que le départ précipité de Mrs. Ingram semblait donner une singulière consistance à une thèse dont je n'avais jusqu'ici fait volontairement aucun cas. Mais les explications que je pouvais avoir à demander, je tenais à les entendre de la bouche même de Mrs. Ingram. Où que fût la vérité, elle restait pour moi la femme à qui j'avais déclaré mon amour. Maintenant j'étais dans le train qui m'emmenait en Italie. Je n'avais pas grand espoir de retrouver les deux femmes à Baveno ou à Stresa. Je savais cependant que le gros bagage avait pris le chemin de Milan et qu'il n'y parviendrait guère avant le lendemain. J'en conclus d'abord qu'elle ne manquerait point de l'attendre aux environs de cette ville. Puis je me souvins tout à coup que j'avais conseillé un soir à Mrs. Ingram une petite pension de famille sur le lac d'Orta. Il était peu probable qu'elle s'en fût souvenue spontanément, mais j'avais marqué au crayon le nom de cette petite station sur son guide et ce simple trait pouvait le lui avoir rappelé. De toute façon, Orta n'était pas loin. Pourquoi ne m'y rendrais-je pas avant de continuer mon voyage? Je crois que je n'oublierai jamais le salon d'attente de cette pension d'Orta, car c'était là que j'attendais Mrs. Ingram. Qu'allions-nous nous dire cette fois-ci? Dès qu'elle entra, ma première impression fut celle d'un changement dans son vêtement et dans sa coiffure. Elle n'était ainsi plus tout à fait la même. Puis je remarquai deux touches de rouge maladroitement appliquées sur ses joues, ainsi qu'un peu de poudre sur le cerne des yeux. Elle devait avoir subi une épreuve morale très douloureuse pour en être arrivée à user de ce misérable trompe-l'œil. « Je pensais bien vous trouver ici, » dis-je. Elle me laissa ses deux mains et demeura ainsi quelques secondes sans pouvoir parler. Puis elle murmura d'une voix brisée. « Vous avez dû être étonné. Oui, je me suis demandé ce qui avait pu vous déterminer à... » Cassie a pris une brusque résolution. « Je m'en doute un peu. » Elle me regarda, me scruta plutôt. « Mais elle a eu raison. Vous savez, avant de vous laisser ajouter quoi que ce soit, interrompis-je, je vous demande de m'écouter. Je veux vous épouser. » Sans doute n'avais-je pas eu l'intention de brusquer ainsi la situation, de brûler mes vaisseaux. Mais quelque chose en elle, au cours de ses pitoyables tentatives de cacher sa peine, ah, quelle détresse, l'avait encore rapprochée de moi, et ce quelque chose-là, ni les doutes, ni le manque de confiance, ni l'évasion, rien ne pouvait l'empêcher d'être plus fort que tout. Elle me regarda sans mot dire et de larmes tracèrent un sillon le long de ses joues mal fardées. « Non, non !» s'écria-t-elle bientôt, levant sa main fine et l'appliquant sur mes lèvres. Je pris cette main et la gardai dans la mienne. Pourquoi ce nom? Vous saviez bien que j'allais vous le demander, et lorsque nous fûmes interrompus avant-hier, vous m'aviez promis de m'entendre jusqu'au bout, le lendemain matin. Oui, mais je ne savais pas à ce moment. Vous ne saviez pas quoi? Nos regards se croisèrent. Le sien avait une expression d'indicible désespoir. Elle se libéra doucement. « Laissez-moi partir, » fit-elle. « Je suis Kate Spain. » J'éclatai alors de rire et d'une voix qui me parut anormalement forte. Comme si j'avais crié la phrase, je répondis. « Eh bien, Kate Spain, je veux vous épouser. » Elle eut un mouvement de retrait, croisa ses bras sur sa poitrine comme pour retenir un cœur trop lourd. Vous saviez déjà ? Demanda-t-elle. Cet homme vous a dit « Jimmy Shrieve ? » Admettons que ce soit vrai. Est-ce pour cela que vous m'avez fui ? Elle inclina la tête en signe d'acquiescement. Vous avez donc cru que je ne vous retrouverais pas ? Je croyais que vous n'essayeriez pas de me retrouver. Vous avez cru qu'après vous avoir déclaré mon amour, je vous laisserais disparaître de ma vie le jour suivant ? Vous êtes généreux et bon. Je vous en suis plus reconnaissante que vous ne sauriez croire. Mais vous ne pouvez pas épouser Kate Spain, ajouta-t-elle avec un pauvre sourire. Un sourire qui ressemblait plutôt à la grimace d'une mourante. Vous ne connaissez rien de ma vie, ni de ce qu'elle est en ce moment. Que diriez-vous en entendant murmurer partout où vous iriez en ma compagnie « Regardez, c'est Kate Spain ». Je ne trouvais pas tout de suite la réponse que je cherchais. Mon premier mouvement de pitié passionnée avait balayé en moi tout ce que l'aveu de Kate pouvait avoir de choquant. Tant qu'elle demeurait elle-même, elle seule, peu m'importait qu'elle s'appelât Kate Spain. Mais ses dernières paroles évoquaient le tableau de la vie qu'elle avait menée depuis son acquittement, et aussi l'image de celle que je demandais à vivre avec elle. Je me souvenais du geste de colère impuissante que j'avais eu lorsque Shrieve m'avait révélé son identité. Maintenant il me semblait entendre le murmure de la voix anonyme. « Kate Spain, Kate Spain, nous poursuivons partout, ma femme et moi. » Elle prit mon hésitation pour une réponse. « Vous n'aviez pas réfléchi à cela, n'est-ce pas ? Mais moi, je ne pense pas à autre chose. Nuit et jour, je suis obsédé par cette pensée. Pendant 3 ans, je fuis jusqu'au son de mon nom. J'ai essayé d'abord de me rendre en Californie. C'est à l'autre extrémité du pays, et ma mère y avait des parents. Là-bas, tout le monde fut très bon pour moi. Mais partout où j'allais, j'entendais prononcer mon nom. Kate Spain, Kate Spain. Je ne pouvais entrer dans une église, au théâtre, dans un magasin, sans que l'obsession me suivît. À quoi bon m'appeler Mrs. Ingram, puisqu'en tout lieu on m'appelait Kate Spain. Je recevais des lettres de collectionneurs d'autographes, me demandant tous mon nom, et spécifiant « surtout mettez Kate Spain ». Si je m'enfermais, il se trouvait partout des gens pour dire « de quoi a-t-elle peur ? Aurait-elle quelque chose à cacher, après tout ?» Mes cousins étaient gênés de me voir dans l'impossibilité de mener une vie normale comme eux. Au bout d'une année, je n'y tins plus, et nous nous mîmes à parcourir le monde. Mais où que nous allions, cela recommence et j'ai l'impression que jamais je ne m'en débarrasserai. Elle se tut pendant quelques secondes, puis ajouta « Ainsi, voyez-vous, il faut que vous partiez. » Je plantai mon regard dans le sien. Cette fois, je tenais à ce que toute la force de ma volonté entre en elle avec ma réponse. « Je considère au contraire qu'il faut que je reste. » Elle me regarda effrayée. « Non, non, mais si, parce que tout ce que vous venez de dire est un rêve, un cauchemar dû à l'état de vos nerfs. Après tout ce que vous avez souffert, c'est parfaitement naturel. Mais maintenant, pourquoi y penser de cette façon ? Votre vrai nom est Kate Spain. Qu'est-il d'étrange à cela ? Pourquoi le cacher ? Vous n'avez rien fait pour le déshonorer. Si vous tenez à vous en défaire, il y a un moyen bien simple, qui est de prendre le mien. En attendant, quand des gens vous demanderont si vous êtes bien Kate Spain, répondez-leur que oui, sans vous enfuir. Elle avait écouté comme une enfant sage à qui on fait la leçon. Pendant que je parlais, ses traits s'étaient détendus. Mais à peine avais-je fini qu'elle me cria. Ah, vous ne savez pas ce que c'est que d'avoir subi un interrogatoire. Ces mots faillirent déraciner mon bel optimisme. Dans un éclair, je me souvins que la première fois que j'avais vu mon ami, l'expression de ses yeux et un je ne sais quoi dans les plis de ses lèvres m'avait frappé. Il y avait là quelque chose que l'on ne rencontre pas chez la plupart des autres femmes. Je savais maintenant d'où lui était venue cette expérience, l'ombre noire de la cour criminelle et la dure lutte solitaire pour sauver sa vie, et j'avais voulu parler raison à la femme qui était passée par cette épreuve-là. « Ma pauvre enfant » m'écriai-je en lui ouvrant les bras. Elle s'y jeta et pleura longuement comme une petite fille. Les mots étaient inutiles. Seul le sentiment d'une immense pitié, d'une compréhension vraie, humaine, fraternelle, les bras d'un homme l'étreignant comme pour la protéger, et son cœur battant près du sien, pouvait la délivrer des ténèbres glacées où elle était plongée, et la rendre à la douce tiédeur et à la lumière d'un jour dont tout le monde, sauf elle, semblait avoir le droit de jouir. Nous demeurâmes longtemps assis l'un contre l'autre, Puis lorsque je la sentis calmée, maîtresse d'elle-même, je lui dis « Venez, nous allons faire quelques pas ensemble dans la campagne. Il y a des promenades ravissantes autour d'ici, à travers bois. Voulez-vous » Elle me regarda avec un sourire timide. Je savais maintenant qu'elle ferait ce que je lui dirais de faire. Mais avant de partir, je tins à décharger mon esprit d'un fardeau qui lui était devenu insupportable. « Je voudrais vous avoir à moi, et à moi seul pendant toute cette journée. Où est Miss Wilport ?»« Miss Wilport était à Milan et ne rentrerait que tard dans la soirée. » Après avoir traversé le parc de la pension de famille, nous gagnâmes les bois par une allée ombragée, après avoir erré longtemps sans but précis, parlant à peine, goûtant pleinement la douceur de cette journée de soleil. Nous finîmes par nous asseoir sur les marches couvertes de mousse d'un petit oratoire de campagne édifié par les pèlerins. Lentement, le jour tomba, le ciel pâlit, et à travers les hauts branchages, nous pûmes voir le lac se dorer puis disparaître, absorbé par les ombres grandissantes du crépuscule. Je mis mes mains dans les siennes. « Voulez-vous que nous fassions des projets ? » fis-je. L'inquiétude reprit possession de son regard. « Des projets ? Oh, pourquoi aujourd'hui ? N'est-il pas naturel que deux êtres qui ont l'intention de vivre ensemble parlent de l'avenir ? Et tout d'abord, quand nous marierons-nous ? » Elle hésita longuement, joignant les mains et les déjoignant nerveusement. « Mais, dit-elle enfin, vous n'éprouvez aucune sympathie pour Cassie. » J'étais enchanté de voir ce sujet que j'étais bien embarrassé de mettre sur le tapis abordé directement par elle. « Mettons plutôt, ma chère, que Cassie et moi partageons cette aversion. N'est-ce pas plus juste ?»« Oui, peut-être, mais... » « Dans ce cas, Cassie sera aussi heureuse de pouvoir disposer entièrement de sa liberté que moi-même. Je... » « Non, non, jamais elle ne consentira à me quitter. Jamais. »« Comment jamais ?»« Même quand vous serez ma femme ?»« Non, même pas. Si elle me permet, si elle vous permet de vous épouser. » J'immobilisai ses mains et la contraignis à me regarder dans les yeux. « Kate, dis-je, écoutez-moi bien. Votre pire ennemi n'est pas Kate Spade. Elle s'appelle Cassie Wilport. » Elle libéra ses mains d'un mouvement brusque. « Ma pire ennemie, Cassie, mais elle était ma meilleure amie, ma seule amie. » « Pendant cette période d'épreuve de votre interrogatoire, oui, je comprends fort bien. J'admets votre reconnaissance presque sans borne pour le service qu'elle vous a rendu. Sur ce point, j'éprouve à son égard des sentiments que vous ne désavoueriez point. Mais il existe certainement d'autres moyens de lui prouver votre gratitude que celui qui consiste à partager avec elle la moitié de votre existence. J'ai essayé tous les autres moyens. Lesquels, par exemple ? Oh, vraiment tout. J'ai, comme vous le savez, une grosse fortune. Je lui ai offert la maison de Cayuga. L'immeuble et la propriété ont une grande valeur, m'a-t-on dit. Naturellement, je lui aurais maintenu la pension que je lui verse. Mais la seule chose à laquelle elle tenait, c'était justement de vivre avec moi, de mener la même existence que moi. Cela seul l'amusait. Elle n'était qu'une pauvre domestique, et tant que mon père vécut, elle souffrit beaucoup, au-delà de ce qu'on peut imaginer. Elle était notre seul soutien. Et elle se montra toujours très bonne pour moi dans cet enfer. Elle osait parler à cet homme. Moi, je n'osais pas. Puis, lors de l'interrogatoire, cette question à laquelle je fus mise dura un mois entier, un mois de 31 jours. « Oh, je vous en supplie, » s'écria-t-elle en se mettant à pleurer, « ne m'obligez pas à y revenir. » Je la consolai de mon mieux, lui parlant doucement, comme on parle à un enfant qui vient d'avoir une grande peur. Elle s'appuyait contre moi, me serrant le bras. Nous revînmes lentement à la pension. Elle dit, avant de rentrer, de quel ton découragé. « Vous voyez bien que cela ne peut pas être. Je vous l'ai toujours dit. Je m'aperçois au contraire qu'il faut que cela soit, mais je vous en reparlerai plus tard. » Nous dînâmes tranquillement dans un coin de la salle à manger de la pension et nous rendîmes ensuite au bord du lac éclairé par la lune. Là, l'atmosphère de ce site exquis, les senteurs de la nuit, le calme de la campagne eurent une influence apaisante sur les nerfs de mon ami. L'horloge de l'église sonna l'heure. Alors Kate, s'arrachant à sa rêverie, se leva pour rentrer. Elle tenait absolument à ce que nous fussions de retour avant Miss Wilport, et que celle-ci ne sût rien de ma présence ici avant le lendemain matin. J'acceptai, mais stipulai en revanche que Miss Wilport serait informée de nos projets de mariage et que je serais mis, aussitôt que possible, au courant des réactions qu'elle ne manquerait point d'avoir. Kate promit de venir me retrouver, entre 11 heures et midi, dans le salon de correspondance où nous aurions des chances de nous trouver seuls. Il pouvait être 9 heures du matin et j'achevais à peine mon café au lait lorsque 2 coups secs à ma porte retentirent, suivis, presque aussitôt, d'un 3e. Avant même que j'aie eu le temps de répondre, Miss Wilper entra en coup de vent, referma la porte et vint se planter devant moi. Son regard n'était qu'à demi rassurant, mais j'étais prêt à toute explication. Poliment, j'avançai le seul fauteuil qu'il y eut dans la chambre. « Désirez-vous me voir, Miss Wilport ? Je vous en prie, asseyez-vous. » Elle ne tint aucun compte de mon invite. « Si je désire vous voir ?»« Ah, Seigneur, vous pouvez être bien certain que non. » »« J'aurais bien mieux aimé que ni l'une ni l'autre. N'ayons jamais eu l'occasion d'arrêter nos regards sur votre personne. » Elle parlait d'un ton passionné avec une violence contenue qui me surprit. Même en l'occurrence. S'il n'avait pas été si tôt, j'aurais été prêt de croire qu'elle s'était donné du courage au moyen d'un cordial absorbé avec générosité. « Dans ce cas, si vous ne voulez ni vous asseoir ni me voir, » commençai-je d'un ton affable. Elle m'interrompit. « Évidemment, je n'ai nul désir de vous voir, mais j'y suis obligé. Vous pensez bien que si je n'avais rien à vous dire, je ne serais pas là. » « Alors, je vous écoute avec intérêt, Miss Wilport. » Elle eut un rire nerveux. « Ce que j'ai besoin de savoir, c'est la raison qui vous a poussé à intervenir dans les affaires personnelles de mon ami. » Je fis appel à toute ma patience. « Si je suis intervenu, comme vous dites, je ne l'ai fait, vous devez le savoir à l'heure qu'il est, qu'après avoir demandé à Mrs. Ingram de devenir ma femme. » Miss Wilport demeura quelques instants muette, puis s'approchant de la table derrière laquelle je me tenais, elle y asséna son poing en criant « Je vous dis qu'elle ne vous épousera jamais !» Jamais, tant que je serai là. Entendez-vous ce que je dis ? » cria-t-elle sur le ton du défi. « Oui, mais je refuse d'en croire un mot, si ce n'est de la bouche même de Mrs. Ingram. » Elle se laissa tomber sur le fauteuil. « Vous voulez qu'elle vous le dise elle-même ? » balbutia-t-elle. « C'est exactement cela que je désire. » Miss Wilport s'essuya les lèvres avec un mouchoir tout chiffonné. « Alors, évidemment. » « Je puis obtenir cela d'elle, ce ne sera pas difficile. Elle fera n'importe quoi, tout ce que je lui dirai de faire. Mais je pensais que vous vous conduiriez comme un gentleman. Je n'accepterai rien que ce qu'elle me dira personnellement. » « Si vous tenez absolument à elle, si vous faites un tel cas de sa personne, pourquoi ne pas vous retirer tranquillement, au lieu de la mettre, une fois de plus, à la torture ?» Sa voix semblait mal assurée. Sa lèvre inférieure tombait comme si elle avait cessé de contrôler les muscles de son visage. Elle cherchait des mots qu'elle ne trouvait plus. Je me levai. « Si c'est tout ce que vous avez à me dire, Miss Wilport, peut-être serait-il préférable que nous mettions fin à notre entretien. » Elle se leva à son tour. « Vous voulez dire que vous allez la retrouver ?»« Bien sûr, et tout de suite, ne vous en déplaise, » dis-je avec impatience en avançant. Elle se jeta littéralement contre la porte, les bras en croix. « Vous ne pouvez pas l'épouser !» hurla-t-elle. « Vous ne pouvez pas l'épouser, ni vous ni personne !» Et je vais vous dire pourquoi. Vous ne quitterez pas cette chambre avant de l'avoir entendue jusqu'à la dernière syllabe. Si c'est quelque chose contre Mrs. Ingram ou sur son compte, je refuse absolument de l'écouter. Si vous m'y forcez, ce sera exactement comme si vous aviez parlé à un sourd. Vous voilà prévenu. Elle fit quelques pas d'une démarche chancelante, se dirigeant, me semblait-il, vers la table. Je remarquai alors qu'elle y avait laissé son sac à main. Je le pris et je le lui tendis. « Vous voulez votre sac, sans doute, mon sac. » Sa mâchoire inférieure tomba un peu plus et elle se mit à trembler. « Oui, oui, donnez-le-moi. Alors vous saurez toute la vérité sur Kate Spain. » Elle parvint jusqu'au fauteuil dans lequel elle se laissa tomber légèrement de côté, les bras ballants. Elle semblait avoir complètement perdu la raison. Horrifiée, je la considérais pendant quelques secondes. Avait-elle vraiment bu ou était-elle souffrante ? Gravement indisposée. Je la secouai doucement. « Miss Wilport, vous sentez-vous mal ?» Ses lèvres tuméfiées esquissèrent un sourire et un peu d'écume se forma aux commissures. « Kate Spain, je vais vous dire. La lettre. » Alors sa tête retomba tout à fait. Ses bras pendaient de chaque côté du fauteuil, inerte. Elle n'articula plus un mot et demeura là, sans bouger, les yeux fixes. Après les premiers instants d'affolement et 2 ou 3 heures employées à téléphoner, à appeler des médecins, à faire venir une infirmière, je pus enfin échanger quelques paroles avec Mrs. Ingram. Le cas de Miss Wilport était clair. Une attaque provoquée par une crise nerveuse violente avait été suivie d'un commencement de paralysie du cerveau. L'issue fatale ne tarderait sans doute pas, c'était l'affaire de quelques jours. La cause immédiate de cette attaque avait été l'accès de rage folle de cette malheureuse. Mais les médecins me confièrent que l'abus de la bonne chair, de la boisson principalement, l'avait physiologiquement préparé à un accident de cette nature. J'ai dû faire part de ces choses à Mrs. Ingram avec beaucoup de ménagement. Mais je compris vite qu'elle en savait bien plus long. Elle n'ignorait pas la raison qui avait déterminé la visite intempestive de sa compagne. Au premier regard que nous échangeâmes, je pus lire sur ses traits qu'elle savait tout, et même ce que j'avais refusé d'entendre. Elle s'était installée dans la chambre que sa compagne occupait à la clinique de Milan, où elle avait été transportée. Je la voyais deux ou trois fois par jour. Par bonheur, pour la pauvre malade, la fin ne fut pas longue à venir, elle ne reprit jamais connaissance et mourut avant la fin du mois. Ce jour-là, Kate Ingram me pria de venir la retrouver dans le courant de l'après-midi du lendemain. À Horta, après l'attaque de Miss Wilpert, je lui avais remis le sac à main en lui disant « Je vous conseille de le mettre sous clé, quelque part, il se pourrait que la police le demandât. » Elle était devenue toute pâle, presque grise. « La police ? » avait-elle demandé. « Oh, vous savez, dans ces pays latins, les formalités de cet ordre n'en finissent pas. On a besoin de tout voir et de tout fouiller, même sans nécessité. Je vous conseille de regarder dans ce sac, au cas où il contiendrait quelque chose que Miss Wilpert aurait préféré ne pas vous voir conserver. Si une telle chose existe, il vaudrait mieux que vous la détruisiez. » À l'hôtel, on m'invita à me rendre dans le salon particulier de mon amie. Celle-ci me fit attendre un peu. Lorsqu'elle parut, elle avait l'air si souffrant, si frêle, que je craignais un instant qu'elle fût menacée d'une crise de nerfs. « Vous me paraissez vraiment trop fatigué pour recevoir qui que ce soit aujourd'hui, » dis-je. « Vous devriez vous mettre au lit tout de suite et me permettre d'aller chercher un docteur. »« Non, » répondit-elle hochant la tête à plusieurs reprises. « C'est simplement l'étrangeté de la situation, de tout ce qui m'entoure. Je n'ai pas l'habitude d'être seul, voyez-vous. À tout prendre, je crois qu'il serait préférable que je quitte ces lieux dès demain. Je le crois aussi, ma chère Kate. Je ferai tout le nécessaire. Dites-moi seulement où il vous plairait d'aller. Je vous y rejoindrai et m'occuperai des détails de notre mariage aussitôt que possible. » Elle eut un sourire navrant qui m'alarma, puis elle parla. « Je n'oublierai jamais ce que vous avez été pour moi, » dit-elle, « mais il faut nous dire adieu. Je ne puis vous épouser. » Cassie a fait ce qu'il fallait faire. Elle voulait uniquement m'épargner la peine de vous dire moi-même cette impossibilité. « Entendez-vous par là que vous êtes déjà marié et que vous ne pouvez point vous libérer ?»« Oh non, non. Je ne suis pas marié et ne l'ai jamais été. » »« Dans ce cas, ma chère Kate. » Elle leva la main gauche pour me faire taire, tandis que de l'autre, elle ouvrait son petit sac à main d'où elle retira une enveloppe cachetée. « Voilà la raison de mon refus. C'est ce qu'elle avait l'intention de vous montrer. » Je l'empêchais de continuer. Je ne devais rien voir de ce que cette femme voulait me mettre sous les yeux. Comme je le lui dis à elle, je vous le répète. Quel que soit le contenu de cette enveloppe, je refuse à mon tour d'en prendre connaissance. Elle se taisait. Je me levai et lui prenant la main, cette main glacée d'où il semblait que tout le sang ait reflué. « Kate, dis-je, le jour où je vous demandais de m'épouser, j'ai définitivement et irrévocablement enterrer toute question de l'ordre auquel vous faites allusion. Mon intention n'est pas de les exhumer, non, ni maintenant, ni jamais. Le passé est le passé. Nous commençons une nouvelle vie. Nous tournons une nouvelle page. Demain, nous nous marierons et notre avenir est la seule chose que nous devions considérer. » Elle sourit de nouveau, d'un sourire qui me parut un peu énigmatique. Puis, fondant en larmes, elle jeta ses bras autour de mon cou et se serra contre moi. Nous nous étreignîmes longuement. Lorsqu'elle se retira, j'eus l'impression que la partie était à moitié gagnée. Mais alors, désignant l'enveloppe sur la table, « Il faut que vous lisiez cette lettre, » dit-elle. « Je ne la lirai certainement pas, mais je l'emporterai et je la garderai. Cela pourra-t-il vous satisfaire ?» Je me rendais fort bien compte que si je déchirais l'enveloppe sous ses yeux, cela équivaudrait à contraindre mon ami à une confession. Ma suggestion lui rendit un peu de paix. « Vous la prendrez, » dites, implora-t-elle. Vous la lirez cette nuit, promettez-le-moi. Non, ma chérie, tout ce que je promets, c'est de ne pas la détruire et de la conserver. Elle m'attira de nouveau contre elle. C'est comme si vous en aviez déjà pris connaissance, n'est-ce pas ? Fit-elle dans un souffle. C'est, et cela demeurera exactement comme si je ne l'avais ni vu ni reçu, parce que moi, voyez-vous, rien n'existe de ce dont elle peut parler. Je l'embrassai de nouveau avec une tendresse passionnée. Lorsque nous nous séparâmes, j'emportai l'enveloppe cachetée. Tout ceci se passait il y a aujourd'hui 7 ans, et maintenant l'enveloppe est devant moi, sur la table, toujours cachetée. Je n'avais nul besoin, nulle envie non plus de l'ouvrir. Elle m'avait déjà donné toute la mesure morale de cette femme qui, délibérément, en pleine connaissance de cause, l'avait abandonnée entre mes mains. Je savais que la mort de Cassie Wilport l'avait délivrée du seul danger dont elle pouvait se croire menacée. Or, se sachant désormais en sûreté, elle avait volontairement remis son sort entre mes mains. Quel homme peut être l'objet d'un tel amour, et quelle femme, pensais-je? Seule Cassie Wilport détenait le secret de Kate, le secret dont la révélation l'eût indubitablement perdu aux yeux du monde, comme elle devait la perdre au mien si... Et ce secret, enterré avec Cassie, Kate l'avait remis à ma discrétion. Elle mit un certain temps à comprendre quel usage je me proposais d'en faire. Elle ne soupçonnait même pas que cela m'avait donné un aperçu très clair et très complet de son caractère, et que c'était tout ce que j'en demandais. Il fallut 2 semaines entières d'attente patiente, de raisonnement apaisant, de persévérance obstinée, pour la convaincre que j'étais bien déterminé à la juger, non sur son passé, quel qu'il eût été, mais sur ce qu'elle avait inconsciemment révélé d'elle-même, depuis le jour où, après avoir fait sa connaissance, je l'avais aimée. Enfin, j'eus gain de cause et nous nous mariâmes. Pendant 5 ans, nous vécûmes notre rêve de bonheur, si étrange et si dangereux bonheur sans ombre, qui de temps en temps parvient à tromper jusqu'aux hommes eux-mêmes et leurs plans. Mais ce bonheur-là est rare et bref. Puis ma femme mourut. Depuis lors, je vis seul avec mes souvenirs, des souvenirs si intenses de lumière et d'ombre que je me sens parfois aveuglé par les joies inouïes d'hier et d'autres jours, écrasé par la peine d'aujourd'hui. Je ne sais qui vaincra de cette ombre ou de cette lumière. Dans mon incertitude, je mets en ordre un certain nombre de vieux papiers, et parmi eux, sur la table, devant moi, j'ai la feuille, que je n'ai jamais lue, à côté de la bougie qui, dans quelques minutes, me servira à la brûler. Ainsi s'achève Confession par Edith Wharton.